Si l'on me demande pourquoi tant de passion, cette façon de m'exprimer en chanson. Qu'est-ce que tu leur dirais alors? Je leur dirai, ma raison c'est toi, ma source d'inspiration. Oh, oh, oh, Jésus, tu es plus précieux que l'or, tu m'es plus précieux que tous les diamants. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, non, rien n'est comparable à toi. Oh yeah. Jésus, tu es plus précieux que l'or, tu m'es plus précieux que tous les diamants. C'est vrai. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, rien n'est comparable à toi. Oh. Tu es l'eau de la vie, mon pain quotidien, le Dieu de qui je suis, tout ce dont j'ai besoin. Ce que je possède, rien n'est comparable à toi. Tu es l'eau de la vie, le pain quotidien, le Dieu de qui je suis, ce dont j'ai besoin. Et en toi, tu es toujours là, tu es le roi des rois, qui s'est donné pour moi. Tu es le bon veille sur moi, oh, rien n'est comparable, rien n'est comparable, rien n'est comparable à toi. Oh, oh, oh. Jésus, tu es, oh, tu es plus précieux que l'or, tu es plus précieux que tous les diamants, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, ce que je possède. je fais ça. Rien n'est comparable à toi. Fais ça. À toi. Maggie Blanchard. Oh, yeah.